Narod chapitre 3. Malheur à la ville sanguinaire qui est toute pleine de mensonges, et toute remplie de proies. La rapine ne s'en retirera point, ni le bruit du fouet, ni le bruit impétueux des roues, ni les chevaux battant des pieds, ni les chariots sautelants, ni les gens de cheval faisant bondir leurs chevaux, ni l'épée brillante, ni la hallebarde étincelante, ni la multitude des blessés à mort, ni le grand nombre des corps morts, et il n'y aura nulle fin aux corps morts, de sorte qu'on sera renversé sur leur corps. À cause de la multitude des prostitutions de cette prostituée est pleine de charme, experte en sortilège, qui vendait les nations par ses prostitutions, et les familles par ses enchantements. Voici, j'en veux à toi, dit l'Éternel des armées, je te dépouillerai de tes vêtements, je manifesterai ta honte aux nations, et ton ignominie au royaume. Je ferai tomber sur ta tête, la peine de tes abominations, je te consumerai, et je te couvrirai d'infamie. Et il arrivera que quiconque te verra, s'éloignera de toi, et dira, Ninive est détruite, qui aura compassion d'elle? D'où te chercherai-je des consolateurs? Vaux-tu mieux que Nô la nourricière, située entre les fleuves, qui a les eaux alentour de soi, dont la mer est le rempart, à qui la mer sert de muraille? Sa force est échue et l'Égypte, et une infinité d'autres peuples. Puis les Libyens sont allés à son secours. Elle-même aussi a été transportée hors de sa terre, elle s'en est allée en captivité, même ses enfants ont été écrasés au carrefour de toutes les rues, et on a jeté le sort sur ses gens honorables, et tous ses principaux ont été liés de chaînes. Toi aussi, tu seras enivré, tu te tiendras caché, et tu chercheras du secours contre l'ennemi. Toutes tes forteresses seront comme des figues, et comme des premiers fruits, qui étant secoués, tombent dans la bouche de celui qui les veut manger. Voici, ton peuple sera comme autant de femmes au milieu de toi, les portes de ton pays seront toutes ouvertes à tes ennemis, le feu consumera tes barres. Pisse-toi de l'eau pour le siège, fortifie tes remparts, enfonce le pied dans la terre grasse, et foule l'argile, et rebâtis la briqueterie. Là le feu te consumera, l'épée te retranchera, elle te dévorera comme le hurlebec dévore les arbres. Qu'on s'amasse comme les hurlebecs, amasse-toi comme les sauterelles. Tu as multiplié tes négociants en plus grand nombre que les étoiles des cieux, les hurlebecs s'étant répandus ont tout ravagé, et puis ils s'en sont envolés. Ceux qui portent le diadème au milieu de toi sont comme des sauterelles, et tes capitaines comme de grandes sauterelles, qui se campent dans les cloisons au temps de la fraîcheur, et qui, lorsque le soleil est levé, s'écartent, de sorte qu'on ne connaît plus le lieu où elles ont été. Tes pasteurs se sont endormis, ô roi d'Assyrie, tes hommes illustres se sont tenus dans leurs tentes, ton peuple est dispersé par les montagnes, et il n'y a personne qui le rassemble. Il n'y a point de remède à ta blessure, ta plaie est douloureuse, tous ceux qui entendront parler de toi, battront des mains sur toi, car qui est-ce qui n'a pas continuellement éprouvé les effets de ta malice ?